chapitre 8e, dans lequel se trouve remplie une des conditions du testament. Victoire ! S'écria ce matin-là l'ingénieur en se précipitant comme un tourbillon dans la chambre de sans patience. Mon moteur a tourné 24 heures sans arrêt. Alors ? Interrogea tranquillement sans patience. Alors la chose est désormais décidée. C'est avec mon moteur que nous allons tenter la traversée. Pas de relais ? À quoi bon ? J'ai calculé qu'à la rigueur, nous pouvions emporter 100 litres d'essence de supplément. C'est-à-dire que nous pourrions nous offrir une randonnée de près de 7000 km. Sans avoir besoin de nous ravitailler. Au départ, nous aurons, il est vrai, très peu de force ascensionnelle. Mais remarquez que nous allons voler au-dessus d'une surface absolument plane, qu'est la mer, ce qui nous dispensera d'escalader les nuages. D'autre part, par suite de la consommation, notre poids d'essence diminuera rapidement, de sorte qu'au bout de quelques heures, l'appareil recouvrera l'intégralité de ses moyens. Très juste, et à quand le départ ? Je pense qu'il pourrait être fixé au lundi 15 janvier, ce qui nous laisse encore 5 jours pleins pour nos derniers préparatifs. Ici, sans patience, aborda une question des plus importantes pour lui, puisque d'elle dépendait la réalisation d'une des conditions du testament. Aussi ce fut avec une certaine émotion qu'il demanda « Vous avez dit nos préparatifs. Comptez-vous donc devenir mon compagnon de voyage ?»« Certes, » répondit l'ingénieur en ouvrant de grands yeux. « N'est-ce pas convenu depuis longtemps ?»« Pardon ?» Mais nous n'avons jamais parlé explicitement de ce détail. Parlons-en donc explicitement, dit l'ingénieur. Je vous demande comme une faveur de partir avec vous. Du reste, vous ne pouvez vous en aller seul. Vous êtes encore insuffisamment initié à la conduite d'un aéroplane pour pouvoir entreprendre avec succès une pareille randonnée. Et puis, je ne voudrais pas laisser à d'autres qu'à moi l'honneur d'essayer un appareil que j'ai construit de toutes pièces. Tout cela, je le comprends, mon cher ami. Mais... et je ne puis vous dire pourquoi, il est nécessaire de bien nous entendre à ce sujet. D'abord, que vous partiez ou non avec moi, nos conditions restent les mêmes. Je vous dois 10 000 francs pour le service que vous m'avez rendu. De plus, je deviens votre commanditaire pour l'exploitation de vos brevets, et dans ce but, je mets pour commencer 40 000 francs à votre disposition. C'est donc 50 000 francs que je vais vous verser aujourd'hui même. Enfin, dans le cas où je réussirai à la traverser, il y a 1 000 000 pour vous. 1 000 000 ? S'écria l'ingénieur stupéfait. Oui, et j'y gagnerai encore, croyez-le. Tout ceci, comprenez-le bien, et je le répète, que vous partiez ou non avec moi. Ne vous croyez donc pas obligé pour cela de devenir mon compagnon de voyage. Pouvez-vous penser, répondit l'ingénieur avec vivacité, pouvez-vous penser que je suis capable de mettre en ligne de compte une misérable question d'argent ? Non, mon brave ami, dit sans patience en lui serrant la main. Je ne l'ai jamais pensé. Mais il était nécessaire que je vous le demande. Maintenant, autre chose. Écartez de vous, par la pensée, ce sentiment si naturel qui vous pousse à expérimenter vous-même l'appareil qui est votre œuvre et à tenter une épreuve qui peut être glorieuse. Et demandez-vous si ce voyage, qu'il semble fou de vouloir tenter et qui comporte malgré tout de redoutables aléas, demandez-vous donc si ce voyage, vous vous sentirez le désir de l'entreprendre spontanément. Sans autre motif que votre affection pour moi. Sincèrement, je crois que oui, répondit tout de suite l'ingénieur. Malgré mon caractère ? Pouh, votre caractère, je n'y fais plus attention. Du reste, il me semble que vos crises ont des tendances à s'espacer de plus en plus. Et pensez-vous que dans 15 jours, dans 1 mois et même davantage, vous parleriez comme aujourd'hui ? Pourquoi aurais-je changé d'avis ? Alors il faut que je vous embrasse, cria sans patience en sautant au cou de son compagnon. « Diable !» dit celui-ci avec flegme. « Vous avez l'expansion rare mais vigoureuse. Vous... serait-ce une nouvelle forme d'accès ?»« Un ami. J'ai donc un véritable ami. » Continuait sans patience. « Ah, mon oncle, quelle tête doit être la vôtre si vous me voyiez de là-haut ?» Et comme l'ingénieur le regardait avec effarement, sans patience se mit à rire. « Ne me croyez pas fou, mon cher. Tout ceci vous sera expliqué plus tard. Mais soyez persuadé que vous me rendez un rare service. C'est donc entendu, vous partirez avec moi. Mais étant donné ces aléas, je ne veux pas vous embarquer dans cette aventure sans avoir l'autorisation de votre sœur. Mais il est bel âge que René est au courant. Avec moi, elle a toujours compté que je serai votre compagnon de voyage. Et elle se résigne ? Mais oui. Du reste, elle a une telle confiance dans ce qu'elle appelle mon génie qu'elle croit fermement en la réussite. Savez-vous que votre sœur est une femme vraiment supérieure, mon ami, et que l'homme qui l'épousera sera bien heureux ?»« Je le crois, » répondit distraitement l'ingénieur, et avec un égoïsme inconscient. « D'ailleurs, je ne la crois pas disposée à se marier. » Elle m'a souvent répété qu'elle était décidée à ne jamais me quitter. Son patience eut un petit coup au cœur et pâlit un peu, mais il surmonta courageusement cette émotion. « Alors, » dit-il d'une voix légèrement tremblante encore, « allez à Jacques d'Aeste. C'est donc de compagnie que nous allons tenter cette randonnée qui, si nous réussissons, nous fera vous célèbre et moi riche. » Et avec un soupir, « peut-être après cela, n'en serons-nous plus heureux, ni l'un ni l'autre. »